Chapitre 23e. Partout Zigomar. Le chef de la sûreté, après un moment de stupéfaction, se ressaisit. Il vint à Paulin Broquet, qui maintenait toujours couché sur le canapé Thom Twig, et lui serrait de plus en plus le cou, pressait plus lourdement sur sa poitrine en disant « Non, mon cher, non, on ne roule pas toujours, Paulin Broquet. Tu as beau être américain, et le plus grand détective de l'univers, tu ne me la feras pas deux fois. Je t'ai arraché le masque. J'ai mis à nu ta peau. Je te tiens, canaille, bandit, zigomar. » Thom Twig suffoquait sous cette étreinte puissante. Il était cramoisi. Ses yeux s'injectaient et de la bave sanguinolente écumait au coin de sa bouche crispée effroyablement. « Voyons, Broquet, dit le chef de la sûreté, qu'est-ce qui vous prend ? » Paulin Broquet, dans un éclat de rire nerveux, répondit « Qui me prend ? » ?»« Non, chef, c'est moi qui l'ai pris. » »« Vous faites erreur. » »« Non, chef, ce bandit... »« Voyons, vous êtes fou. » »« Fou ? » ?»« Mais regardez donc, chef. Regardez cette tête. Voyez cette rage, cette peur. Et dites-moi si je suis fou. » Si je peux faire erreur, me tromper sur ce gentleman. Dites-moi si je ne tiens pas un des terribles bandits après lesquels nous courons. Possible, mon ami, mais ne le tuez pas. Donnez-lui de l'air. Et la clé des champs? Non, chef. Gardons-le. Et comme il est très fort, très malin, gardons-le bien. Cependant, mon ami, nous ne pouvons. Il est pris, vous le tenez, mais permettez-lui de s'expliquer. Laissez-le au moins respirer. Paulin Broquet s'assura que le cabriolet qui retenait les poignets de son cher confrère était bien passé, bien fermé. Il lâcha le cou de Thom Twig et il retira son genou qui écrasait la poitrine de l'Américain. Thom Twig respira longuement, puis il dit à M. Baumier « Je vous remercie, vous, vraiment beaucoup. » Il respira encore et, se tournant vers Paulin Broquet, lui dit « Je vous fais mes sincères compliments. Vous avez une poigne à écraser un éléphant. » Il se mit à rire. Alors il se passa une scène des plus étonnantes, des plus inattendues, des plus caractéristiques. L'Américain, que M. Baumier, compatissant, aidait, se releva et s'assit sur le canapé très confortablement, très posément. « Oh » dit-il à Paulin Broquet. « Je plains beaucoup ce pauvre Zigomar quand il tombera dans vos pattes. » Paulin Broquet, tout frémissant encore, regardait cet homme et il ne pouvait s'empêcher de reconnaître en lui un caractère admirablement trempé, d'admirer son énergie, sa présence d'esprit, sa merveilleuse puissance sur soi-même. « Chef, » dit-il enfin, « nous tenons, sinon le chef, du moins un des principaux chefs de la bande des Z. Nous tenons Zigomar, ou l'âme même, la volonté, le cerveau de ce qui s'appelle Zigomar. » L'Américain inclina la tête. « Paulin Broquet a une grande imagination. » Le détective français continua sans se soucier de cette interruption. « Thom Twig est bien Thom Twig. Les papiers qu'il vous a montrés et qu'il a voulu que vous preniez soin de bien vérifier sont légaux, exacts, authentiques. Il est bien le célèbre détective américain. Mais ce qu'il est surtout, c'est le roi des bandits cosmopolites. C'est lui qui a fait commettre des vols dans les banques, dans les maisons riches, par sa bande. Et c'est lui que les volés vont trouver pour rechercher les voleurs. » Le chef de la sûreté s'écria « Ce que vous me dites là est grave, Broquet. Il faudra des preuves. Nous les aurons. » M. Baumier se tourna vers Thom Twig. « Vous avez entendu ? » lui demanda-t-il. « Yes. » « Qu'avez-vous à répondre ? » ?»« Rien. C'est très amusant. Seulement, je suis très contrarié que c'est moi personnellement le héros de cette très ingénieuse histoire. » Paulin Broquet reprit. « Chef, vous comprenez que je n'agis pas à la légère. J'ai suivi cet homme. » J'ai vu le comte de la Guérinière se rendre chez lui au Family House. Je l'ai vu en compagnie du comte de la Guérinière et du baron Dupont et d'autres. « Pardon, » interrompit Thom Twig. « Est-ce que le comte de la Guérinière et le baron Dupont sont des criminels avérés ? Nous n'avons pas à répondre. « Pardon pour ma garantie, il faut me le dire. S'ils sont criminels, vous manquez à votre devoir en ne les arrêtant pas. Pour moi, puisqu'ils sont libres, je les considère comme de parfaits gentlemen. » Et vous ne pouvez me faire un grief de leur avoir parlé. » Le chef de la sûreté intervint. « Malgré cela, l'accusation de Paulin Broquet vous concernant demeure entière. Qu'avez-vous à répondre ?» L'Américain secoua la tête. « Rien, absolument rien. » Cependant, « Yes, rien. Je ne dois même pas chercher à me défendre. » « Dans ce cas, je suis obligé de vous garder à la disposition de la justice. » « Si vous voulez. Seulement, monsieur le chef de la sûreté, je vous ferai respectueusement observer que je vous ai fourni des documents authentiques, m'accréditant auprès de vous, et que me gardant ainsi, vous faites abus de pouvoir. Il y a là raison d'intérêt majeur. Yes, mais je suis citoyen américain. Nos traités internationaux m'autorisent. Yes, je sais. Mais je vous ai montré une lettre de l'ambassadeur américain à Paris. Donc j'ai un répondant. Vous ne pouvez me retenir sans avoir avisé mon ambassadeur. Ce sera fait. Yes. Seulement, je vous prie que ce soit fait tout de suite. Un coup de téléphone. No. Il y a mon auto à la porte. Faites monter quelqu'un de votre service qui expliquera mon affaire à l'ambassade et je ne m'en irai d'ici que si on me réclame, si on vient me chercher. » Dans un coin du vaste bureau où Paulin Broquet entraîna son chef, il y eut entre ces deux hommes une vive discussion à voix basse. Puis Paulin Broquet dit à M. Baumier « C'est bien, je m'incline. Nous ne pouvons agir autrement. Qu'il soit fait comme vous l'entendrez, mais c'est encore tant pis pour nous. » Le chef de la sûreté appela un des chefs de ses services et l'expédia à l'ambassade des États-Unis. Thom Twigg, prévenu de cette démarche, remercia M. Baumier, puis, très calme, toujours souriant, il demanda si on lui permettait d'allumer un cigare en attendant. Son cigare allumé, tout en fumant tranquillement, il dit à Paulin Broquet « Mon cher ami, yes, vous êtes quand même, mon cher ami. Je ne vous en veux pas du tout de ce petit match que nous venons de faire. Oh, je comprends très bien ce qui vous arrive et m'arrive à moi aussi en ce moment. Vous avez une idée fixe, une obsession. Vous voyez partout Zigomar. Dernièrement, pour vous, Zigomar, c'était le comte de la Guérinière. Aujourd'hui, Zigomar, c'est votre confrère Thom Twigg. Demain, vous prendrez M. Baumier, votre chef, pour Zigomar. » À son tour, Paulin Broquet, à présent tout à fait maître de lui, se mit à sourire, et il alluma silencieusement une cigarette. Très obligeamment, M. Baumier demanda à l'Américain « Voulez-vous qu'on vous retire le cabriolet ?»« Non, » répondit Thom Twigg, « non. Je veux le garder jusqu'à ce que vous me mettiez en liberté. » Il regarda les chaînes d'acier en connaisseur. « Bien, bien attaché. Je défie un malfaiteur de se débarrasser de ce bracelet. » L'attente, d'ailleurs, ne fut pas longue. L'automobile revenait bientôt avec un attaché de l'ambassade des États-Unis qui donnait à M. Baumier les explications nécessaires et toutes les garanties exigées. Thom Twigg pouvait donc s'en aller librement. Il quitta le canapé, et comme l'un des inspecteurs qui avait introduit l'attaché d'ambassade s'approchait de lui sous un signe de M. Baumier, pour lui enlever des poignets le cabriolet solidement fixé par Paulin Broquet, le détective américain, en souriant, remercia « Inutile, voyez !» Et sans le moindre effort, il se débarrassa du cabriolet qu'il déposa sur le bureau du chef de la sûreté. Puis, saluant, il prit congé, suivit son compatriote et, passant devant Paulin Broquet, il dit « Sans rancune, mon cher Broquet !» Puis il sortit.